بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد. Donc on va parler aujourd'hui dans cette rencontre en présence de mes frères de la Côte d'Ivoire d'un sujet qui est très important et en particulier ici dans ce pays parce que on est dans un pays qui est un pays chrétien en grande partie. Et c'est un pays donc, yani, comme on dit, un pays de kofr, un pays de mécréance, un pays de shirk, un pays d'association, des gens qui adorent avec Allah d'autres divinités. Et parmi ces mouchriquins et ces koufars, il y a les chrétiens, il y a les juifs, et il y a également des hindous, des bouddhistes, il y a également des athées. Il y a des gens de différentes croyances et chacun de ces différents peuples, ils ont des croyances différentes, des pratiques différentes, des fêtes différentes, des célébrations différentes. Et pour le musulman, il est important de savoir l'attitude qu'il doit adopter face à ces différentes pratiques, face à ces différentes coutumes, face à ces différentes religions et à leur façon de célébrer ou d'adorer. Et ça c'est vrai pour nous qui sommes ici dans ces pays non musulmans en particulier, mais c'est quelque chose qui ne doit pas non plus être négligé également dans des pays musulmans, puisque il y a certains pays parmi les pays musulmans, même s'ils sont à majorité musulmane ou bien à forte proportion, yani, parmi les peuples musulmans, il faut savoir que les coutumes et les pratiques des autres peuples peuvent s'introduire dans les pratiques de beaucoup d'entre les musulmans dans ces pays-là aussi, de différentes manières, et parfois sans même que les gens s'en aperçoivent ou même se rendent compte de ça. Donc, on va rentrer dans le sujet, et la façon dont j'aimerais approcher le sujet, c'est du point de vue de la croyance islamique, de la croyance, c'est-à-dire en arabe, l'aqida. Et il y a un principe important dans l'islam qui est al-wala ou al-bara. Al-wala ou al-bara et al-mu'alat ou al-mu'adat. Ça veut dire l'amour pour Allah et le fait de détester pour Allah. L'alliance et le désaveu. L'animosité et l'affiliation. Tous ces principes-là, ça c'est des principes qui font partie de la croyance islamique et c'est directement relié à la foi en la ilaha illallah. Les ulama de l'islam, ils ont mentionné à ce sujet-là beaucoup de versets et de hadiths. Et entre autres, un hadith qui est rapporté par Abdullah ibn Abbas, radiyallahu anhu, qui est rapporté par At-Tabarani, et qui est un hadith authentique, dans lequel il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit awthaqu 'ura al-iman al-muwalat fillah wal-mu'adat fillah wal-hubb fillah wal-bughd fillah. C'est-à-dire que parmi les la plus forte ou la plus solide, lance la plus forte et la plus solide parmi les éléments de la foi, il y a le fait d'aimer pour Allah et de détester pour Allah, de s'affilier en Allah et de se désavouer ou d'avoir de l'animosité envers l'autre par rapport à l'agrément d'Allah et ce qui déplaît à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ça c'est parmi les principes les plus importants de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné également dans un autre hadith qui est rapporté par l'imam Ahmad et qui est un hadith authentique également, dans lequel il dit man ahabba lillah wa abghada lillah wa a'ta lillah wa mana'a lillah faqad istakmala al-iman. C'est-à-dire celui qui a aimé pour Allah et qui a détesté pour Allah, qui a donné pour Allah et qui a refusé ou qui a retenu de donner son argent pour Allah, alors il a compléter la foi. Il a complété la foi. Et donc, le terme en arabe, al-wala, ça signifie l'amour, le secours, le fait de secourir quelqu'un ou quelque chose, une cause ou une personne. Et ça signifie également al-qurb, hein, la proximité ou le rapprochement. Et c'est ce qu'il y a entre les croyants. Et cette affiliation et cet amour entre les croyants et ce secours les uns pour, envers les autres pour les dans la foi, c'est quelque chose qui doit être manifesté de façon apparente et de façon cachée. En ce qui concerne al-bara, eh bien c'est le contraire. C'est le contraire de al-wala, c'est-à-dire l'éloignement, le fait d'avoir une animosité ou une haine envers tout ce qui est opposé à la foi et tout ce qui est opposé à ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime. Donc, parmi les éléments qui font partie de al-wala ou al-bara, c'est que le croyant, il va bien entendu aimer Allah avant tout et au-dessus de tout. Et ensuite, aimer ses prophètes et ses messagers. Et ensuite, il va aimer les croyants de façon générale. Et bien entendu, l'amour qu'il aura pour les croyants, eh bien, elle va être de façon proportionnelle à ce que le croyant voit chez l'autre de son niveau de foi dans ce qui est apparent. Parce que les musulmans, lorsqu'on juge, on juge de façon apparente, c'est-à-dire selon ce qui est visible, selon ce qui est apparent. En ce qui concerne la réalité des cœurs et de ce que les gens ont dans leur cœur, ça c'est seul Allah subhanahu wa ta'ala qui le sait. Mais Allah ne nous a pas demandé d'essayer de deviner ce qu'il y a dans le cœur des hommes, mais il nous a ordonné seulement de juger en se basant sur ce qui est apparent et sur ce qui est visible des différentes manifestations de la foi. Ensuite de ça, al-bara, c'est envers, bien entendu, le shaitan, le fait de détester le shaitan, de détester yani, les alliés du shaitan et ceux qui supportent le shaitan ou qui sont en train de faire des actes que le shaitan aime, hein, comme le kufr, la mécréance, le shirk, hein, le fait d'associer avec Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration et yani, tout ce qui découle de la désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette animosité-là également, bien entendu, elle aura des manifestations par le fait de se désavouer du shirk et du kufr et du shaitan et de tous ceux qui sont alliés au shaitan et également de s'éloigner des mushrikines et des kuffars et de ne pas participer ou de ne pas s'affilier avec eux dans le faux lorsqu'ils pratiquent toute manifestation de ce qui est faux. Donc ça c'est un principe qui est important, mais à notre époque, à cause de l'éloignement de beaucoup de musulmans des principes de la religion et l'ignorance de beaucoup d'entre eux également de ces principes, et également aussi à cause de la faiblesse de la foi dans beaucoup de cas chez les musulmans, on constate que cette compréhension de al-wala ou al-bara, elle est affaiblie. Elle est affaiblie et on constate justement que à cause de ça, il y a beaucoup de confusion et de mélange entre les koufars et les musulmans. Et également à cause du fait qu'à notre époque, et ça c'est quelque chose qui n'a pas nécessairement été toujours le cas dans l'histoire de l'humanité ou dans l'histoire de l'islam, mais il y a à notre époque beaucoup de mélange, beaucoup de voyages entre les différents peuples qui sont musulmans et qui sont non musulmans. Et il y a eu la colonisation aussi, qu'il faut pas négliger. Ça a eu un impact, ça a eu un effet sur la pratique des musulmans et sur leur comportement et sur leurs croyances. Ce qui fait que, à cause de tous ces mélanges-là, le fait que aussi l'immigration dans les pays occidentaux, beaucoup de musulmans ont petit à petit commencé à s'affaiblir dans ce fondement et dans ce principe de ce qu'on appelle en islam al-wala ou al-bara. Et donc, comme on a expliqué déjà et comme j'ai mentionné, le croyant dans son fondement, quand il parle de al-wala, c'est-à-dire qu'il a en premier un amour pour Allah subhanahu wa ta'ala, et ça implique qu'il doit aimer tout ce que Allah aime. D'accord? Et si quelqu'un prétend aimer Allah, mais qu'en même temps, il fait ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste, eh bien ça prouve que il a une défaillance ou une faiblesse dans son amour d'Allah. Parce que s'il aime réellement Allah, il va mettre en pratique ce que l'amour d'Allah implique. Et parmi les preuves de ça, le verset dans le Coran dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit dans sourate Al-Imran, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ. Hein, dit, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Hein, dit, ô Muhammad, si vous aimez Allah, alors suivez-moi. Et, yani, Allah subhanahu wa ta'ala vous aimera et vous pardonnera vos péchés. Donc, si quelqu'un contredit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa sunna et fait ce qui est interdit, ben ça sera une preuve que il y a un problème dans son amour d'Allah. Parmi les signes également de son amour d'Allah, hein, le croyant lorsqu'il aime Allah, c'est qu'il va mettre son amour, l'amour d'Allah et ce que Allah aime, il va donner à sa précédence sur ce qu'il aime lui-même. Hein? Donc si il entre en conflit dans un élément ou dans une question, ou dans un sujet quelconque, et que dans ce sujet-là, il y a une confrontation ou une opposition entre ce que Allah aime et ce qu'il aime lui-même, dans ses passions, eh bien, il va laisser tomber ce qu'il aime et mettre en priorité et donner précédence à ce que Allah aime sur ce que son âme désire. Et ça fait partie des éléments aussi qui font partie des fondements de la croyance et de la foi. Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit à ce sujet-là dans le Coran, يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا آبَاءَكُمْ وَإِخْوَانَكُمْ أَوْلِيَاءَ إِنْ اسْتَحَبُّوا الْكُفْرَ عَلَى الْإِيمَانِ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ قُلْ إِنْ كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, ô vous qui avez cru, ô vous les croyants, ne prenez pas vos pères et vos frères comme alliés s'ils ont préféré la mécréance à la foi. Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés ou les aime, alors, ceux-là sont les injustes. Dis, ô Muhammad, si vos pères, vos fils, vos frères, vos épouses, vos familles, les biens que vous avez amassés, le commerce dont vous craignez la perte, les demeures que vous avez agréées, sont plus aimables pour vous, vous les aimez plus que Allah et que son messager, ainsi que la lutte dans son sentier, alors attendez jusqu'à ce qu'Allah vienne avec son commandement. Certes, Allah ne guide pas les peuples pervers. Donc on voit dans ce verset-là clairement que le croyant, il a beaucoup de choses qu'il aime parmi les choses de la vie. Mais lorsqu'il y a un conflit entre l'amour de ces choses et l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va pas donner précédence à l'amour de ces choses. Hein? Même si certaines d'entre elles, ou la majorité d'entre elles, sont des choses qui sont licites de façon générale. C'est-à-dire qu'elles ne sont pas blâmables en elles-mêmes. Elles ne sont pas nécessairement détestables en elles-mêmes. Mais malgré ça, le croyant doit toujours mettre l'amour d'Allah et de son messager au-dessus de l'amour de ces choses-là. Et si c'est dans ces choses, il y a des éléments qui sont interdits ou des choses haram, alors dans ce cas-là, c'est obligatoire de détester ces choses-là lorsqu'elles impliquent quelque chose de haram. Et parmi les signes de l'amour d'Allah également, l'obligation pour le serviteur d'aimer les actions que Allah aime, d'aimer les individus que Allah aime. Et comment on sait que Allah subhanahu wa ta'ala aime quelqu'un? C'est lorsque, par exemple, il y a une preuve de la révélation qui justifie que Allah subhanahu wa ta'ala aime certains types de personnes par rapport à justement leur état, c'est-à-dire par exemple les croyants, les pieux, les gens, les bienfaisants, hein, et les gens qui sont sur la foi, et ainsi de suite, et en particulier les sahaba, hein, après les prophètes, les Sahaba, les Tabi'in, les Tabi'in et ceux qui les ont suivis, ainsi que les ulama de l'islam, les imams de la religion, les défenseurs de la vérité, et ainsi de suite. Et les actions, eh bien, c'est les actions de bien qui ont été encouragées et glorifiées par Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, ainsi que par son messager dans la Sunna. Et également, le croyant va détester les actions et les individus et les personnes qui sont détestés par Allah, hein, subhanahu wa ta'ala, et par son messager. Et ça, ça comprend bien entendu les kuffars, les munafiqin, les mécréants et les hypocrites, les mushrikin, ceux qui font le shirk avec Allah, les mubtadi'a, les gens qui font des innovations dans la religion, hein, les gens qui désobéissent à Allah et qui font des péchés, hein, al-usat, wal-fujjar, wal-fussaq. Tous ces termes-là sont des termes qui s'appliquent à des gens qui sont détestés par Allah subhanahu wa ta'ala, ainsi que les actions qui sont détestées par Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, ça fait partie des fondements également dans la croyance musulmane. Ensuite, donc, il y a beaucoup de versets dans le Coran qui nous ordonnent de ne pas prendre pour alliés les mécréants. Et entre autres, les versets qu'on avait mentionné, un verset au début, et il y a beaucoup d'autres versets à ce sujet-là. Par exemple, le verset 144 dans Sourate An-Nisa, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit: Ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu al-kafirina awliya'a min duni al-mu'minin aturiduna an taj'alu lillahi 'alaykum sultanan mubina. C'est-à-dire, ô vous qui avez cru, ne prenez pas les mécréants pour alliés que vous aimez en dehors des croyants. Voulez-vous donner à Allah une preuve contre vous, une preuve évidente contre vous? Donc ça, c'est un appel de la part d'Allah subhanahu wa ta'ala aux croyants de ne pas prendre les mécréants comme alliés et de les aimer dans la religion, hein, ou de leur offrir une forme quelconque, yani de support ou de secours dans leur shirk et dans leur mécréance et dans leur idolâtrie et ainsi de suite. Et de ne pas pencher vers eux également, de ne pas pencher vers eux dans notre cœur à cause de leur mécréance ou de leur association ou de leur idolâtrie, parce qu'ils sont considérés par Allah comme étant ses ennemis et les ennemis de ses messagers. Hein? Et donc, quiconque est un ennemi d'Allah et de son messager, il est obligatoire pour nous de le prendre comme tel. Bien entendu, ça n'implique pas que on fasse à ces individus ou à ces personnes une injustice quelconque, puisque l'injustice en islam est interdite. Et bien entendu, ça n'implique pas également qu'on ait un mauvais comportement envers ceux d'entre eux qui sont bons envers nous, puisque Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il nous dit à ce sujet-là, يعني لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم. إن الله يحب المقسطين. C'est-à-dire, Allah subhanahu wa ta'ala ne vous interdit pas d'être bon et d'être juste envers ceux d'entre les kuffars qui ne vous ne vous expulsent pas de vos demeures à cause de votre religion, yani, et qui ne vous font pas d'injustice. Donc, dans ce cas-là, vous devez être bon envers ceux d'entre eux qui sont bons envers vous, et vous n'avez pas le droit de leur faire de l'injustice, ou de leur faire du tort, ou des choses de ce genre. Et si vous avez des proches ou des parents qui sont mécréants, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, dans plusieurs versets, il nous interdit de prendre les koufars comme alliés, même s'ils sont nos proches parents, même si c'est notre père, ou notre frère, hein, ou notre famille. Mais ça ne veut pas dire que si on a des parents ou des proches qui sont mécréants, qu'on n'a pas le droit d'être bon envers eux ou d'être juste envers eux. Au contraire, hein, puisqu'on a une responsabilité, et si c'est nos parents, on doit leur obéir dans le bien et de ne pas leur désobéir. Mais s'ils nous ordonnent de faire quelque chose qui est interdit dans ce cas-là, c'est clair qu'on n'a pas le droit d'obéir dans le péché, hein, à des créatures. Mais on doit continuer à être juste et être bon envers eux. En ce qui concerne l'attitude de façon générale, en ce qui concerne les non-croyants, Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit de les aimer par rapport à la religion et nous interdit également de les prendre pour alliés ou de les secourir dans leur mécréance et dans leur fausseté. dans tout ce qui est haram. Il y a, par exemple, d'autres versets à ce sujet-là. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans Surat An-Nisa, comme étant même une caractéristique des hypocrites, qu'ils aiment les mécréants. Hein? Donc, il dit dans ce verset 138 et 139 dans Surat An-Nisa, بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما الذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. Donc ici, Allah subhanahu wa ta'ala dit, annonce la bonne nouvelle aux hypocrites d'un châtiment douloureux. Ceux qui prennent pour alliés les mécréants en dehors des croyants recherchent-ils auprès d'eux la puissance? Car certes, la puissance appartient toute à Allah, toute entière à Allah. Donc celui qui cherche la puissance, l'honneur, la fierté dans ce bas monde et dans cette vie, il ne doit pas la chercher auprès des mécréants et des koufars, mais plutôt, ni auprès des créatures de façon générale, mais en particulier, il doit la chercher uniquement d'Allah. Également, parmi les choses qui ont été mentionnées dans le Coran à ce sujet, il y a un verset qui est plus spécifique aux juifs et aux chrétiens. Le verset 51 dans Surat Al-Ma'ida, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset, « Ya ayyuha alladhina amanu la tattakhidhu al-yahuda wal-nasara awliya, ba'duhum awliya u ba'd, wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum, inna Allah la yahdi al-qawma al-zalimin. » قال السعدي, « فأنتم لا تتخذوهم أولياء, فإنهم الأعداء على الحقيقة, ولا يبالون بضركم, بل لا يدخرون من مجهودهم شيئا على إضلالكم, فلا يتولاهم إلا من هو مثلهم, ولهذا قال ومن يتولهم منكم فإنه منهم, لأن التولي التام يجب الانتقال إلى دينهم, والتولي القليل يدعو إلى الكثير. Donc, dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala dit, « Oh, vous qui avez cru, ne prenez pas les juifs et les chrétiens pour alliés. Ils sont alliés les uns des autres. » C'est-à-dire, les juifs et les chrétiens sont alliés entre eux. Hein? « Et quiconque d'entre vous les prend pour alliés, alors il est un des leurs, il devient un des leurs. Certes, Allah ne guide pas les peuples injustes. » Et le Cheikh Abdurrahman al-Sa'di, dans son tafsir du Coran, il explique ce verset-là en disant, « Ne les prenez donc pas pour alliés, car ils sont en réalité des ennemis. Et ils ne cessent pas de vouloir vous faire du tort. Et ça ne leur dérange pas de vouloir vous faire du tort. Même que ils ne lâchent jamais de leurs efforts pour faire quoi que ce soit dans le but d'arriver à vous égarer. » Donc, ne les prenez donc pas pour alliés, parce que sinon, vous devenez comme eux, hein, vous devenez des leurs. Et comme Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le verset justement, « وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ مِنْكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ » C'est-à-dire, quiconque d'entre vous les prend pour alliés, il devient un des leurs. Et, bien entendu, l'alliance ou l'affiliation qu'il a avec ces gens-là, peut être une affiliation totale, c'est-à-dire par exemple qu'il va s'affilier avec les juifs et les chrétiens dans leurs croyances et il va agréer leurs pratiques ou agréer leur comportement ou agréer le shirk et le kufr sur lequel ils sont. Alors à ce moment-là, c'est une affiliation totale. Alors à ce moment-là, il devient réellement un des leurs de façon totale, complète. Puisqu'il les aime et il approuve leur croyance et leur fausseté, leur shirk et leur kufr, alors à ce moment-là, il devient un des leurs concrètement et réellement. Tandis que si l'affiliation qu'il a avec eux, c'est une affiliation qui est dans quelques éléments qui ne font pas partie nécessairement des fondements de la religion, mais qui les imitent par exemple dans certaines de leurs coutumes ou de leurs pratiques, sans nécessairement être d'accord ou approuver quoi que ce soit, ou être satisfait de quoi que ce soit de leurs croyances ou de leurs pratiques qui sont shirk ou kufr, alors à ce moment-là, il sera d'une affiliation partielle avec eux. Donc, c'est sûr que c'est moins dangereux que l'affiliation totale, n'empêche que cette affiliation partielle peut dégénérer et devenir une affiliation qui sera de plus en plus totale ou plus en plus grande vis-à-vis d'eux, à force de justement les suivre ou de les imiter, de les côtoyer et d'approuver leur voix et ainsi de suite. Et bien entendu, tout ça, ça commence par le cœur, hein, et même si, par exemple, quelqu'un, en apparence, il suit certaines de leurs pratiques dans leurs coutumes ou des choses de ce genre, tout en se désavouant d'eux, yani, c'est clair que à ce moment-là, il y a un problème, il y a une défaillance, hein, mais il faut savoir que ces choses-là, ça commence par le cœur. Une fois que c'est rentré dans le cœur, ça augmente avec le temps jusqu'à ce que la personne risque totalement de s'égarer. Il y a un verset également dans Surat Al-Mumtahana, le verset 4, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala mentionne l'exemple d'Abraham. Il dit « لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي لَقَدْ كَانَ لَكُمْ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ فِي إِبْرَاهِيمَ وَالَّذِينَ مَعَهُ إِذْ قَالُوا لِقَوْمِهِمْ إِنَّا بُرَآءُ مِنْكُمْ وَمِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, pour vous un bon exemple à suivre, hein, Abraham et en ceux qui étaient avec lui. Lorsqu'ils dirent à leur peuple, nous nous désavouons de vous, hein, et de ce que vous adorez en dehors d'Allah. Nous vous renions. Et entre vous et nous, il y a une animosité et une haine qui s'installe pour toujours, jusqu'à ce que vous croyiez en Allah, c'est-à-dire que vous croyez en l'unicité d'Allah et que vous cessiez de croire en ce qui est shirk ou en ce qui est contraire à la vérité. Donc, ça prouve que le croyant, il doit aimer uniquement les croyants qui croient au tawhid, qui suivent les messagers, qui s'accrochent à la révélation. Ceux qui opposent cette voie, peu importe leur croyance ou leur religion, ils doivent se désavouer d'eux et s'écarter d'eux. Et il doit les appeler à la foi. Donc ça, c'est un élément très important. Donc, une fois qu'on a compris ce principe de Al-Wala wal-Bara, on peut comprendre par la suite facilement de quelle manière les ulamas ont expliqué l'interdiction pour les musulmans d'imiter ou de suivre les juifs et les chrétiens dans leurs célébrations religieuses ou dans leurs célébrations non religieuses, mais qui ne sont pas de l'islam ou qui sont contraires à la foi. Et les ulamas de l'islam ont écrit des livres à ce sujet-là. Et parmi les livres qui ont été écrits et qui sont peut-être parmi les plus complets à ce sujet, il y a le livre de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, Iqtida al-Sirat al-Mustaqim Mukhalafat Ashab al-Jahim. C'est-à-dire un livre dans lequel il explique que ce qui est impliqué pour le musulman dans le fait de suivre le droit chemin, eh bien, c'est de contredire la voix des gens de l'enfer, c'est-à-dire les juifs et les chrétiens et tous ceux qui leur ressemblent. C'est pour ça que dans, justement, Surat al-Fatiha, lorsqu'on récite, à la fin, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous enseigne de l'invoquer en lui demandant de nous guider sur le droit chemin. Et puis, il nous dit, non pas le chemin de ceux qui ont encouru sa colère, ni le chemin de ceux qui sont égarés. Et ceux qui ont encouru la colère d'Allah, les ulama ont expliqué que ce sont ceux qui ont la connaissance, mais qui ne l'appliquent pas. Et ceux qui se sont égarés, c'est ceux qui adorent Allah sans se baser sur la science, sans se baser sur la révélation. Et ceux-là se sont égarés, justement. Et il mentionne comme exemple à ce sujet-là les juifs qui ont encouru la colère d'Allah parce qu'ils adorent Allah, parce qu'ils contredisent la religion alors qu'ils ont la connaissance. Et ils n'appliquent pas ce qu'ils savent de la religion. Et les chrétiens qui se sont égarés de la religion parce qu'ils sont ignorants de la réalité de la religion des prophètes, et par conséquent ils sont tombés dans toutes sortes de bid'ah et toutes sortes de formes de shirk. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a mis en garde contre le fait de suivre justement les ennemis de l'islam et les kuffars de façon générale, et il a averti la umma justement à ce sujet-là. Et il y a un hadith qui est célèbre, qui est connu à ce sujet, qui est rapporté selon Abu Sa'id al-Khudri, radiyallahu anhu, par al-Bukhari et Muslim, dans lequel il mentionne que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit « Vous allez suivre les juifs et les chrétiens pas à pas. » Jusqu'à ce que si l'un d'entre eux rentre dans un trou de lézard, vous allez les suivre dedans. Alors ils ont dit, ô messager d'Allah, est-ce que tu parles des juifs et des chrétiens? Alors il dit, qui d'autre? Hein? De qui d'autre est-ce que je suis en train de parler si c'est pas d'eux? Donc, qu'est-ce que ça signifie en réalité? C'est que ça signifie que les musulmans, beaucoup de musulmans, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné que beaucoup de musulmans dans les siècles qui allaient venir, allaient commencer à suivre les juifs et les chrétiens. Et beaucoup de musulmans, devant les juifs et les chrétiens, ils ont ce genre de complexe, un genre de complexe. Et donc, ils s'imaginent que parce que les juifs et les chrétiens existaient, hein, la Oumma des juifs et des chrétiens existait avant celle de l'islam, qu'ils ont plus de connaissances ou qu'ils pratiquent une religion qui est mieux fondée sur des principes que celle des musulmans. Et donc, c'est certains musulmans qui ont cette conception-là à cause de leur ignorance. Donc, c'est pas parce que la Oumma de l'islam, c'est la dernière Oumma, celle qui vient en dernier dans l'histoire de l'humanité, c'est pas parce qu'on est les derniers que on n'a pas plus de connaissances ou plus de compréhension que ceux qui nous ont précédés. Puisque avec ce que Allah nous a donné comme guidance dans le Coran et dans la Sunna, on a ce qu'il nous faut et ce qui nous suffit pour être sur le droit chemin. Même que en utilisant justement la révélation d'Allah dans le Coran et l'exemple du prophète sallallahu alayhi wa sallam dans sa Sunna, il y a également une protection pour nous contre les erreurs dans lesquelles les peuples précédents sont tombés, parce qu'ils sont tombés dans toutes sortes d'égarements avant nous. On a donc un exemple dans ça, une exhortation pour nous de ne pas justement commettre les mêmes erreurs que ceux-là, ceux qui nous ont précédés. Mais malheureusement, beaucoup de musulmans ont été, trompés par les juifs et par les chrétiens. Et ils ont commencé à imiter justement les koufars dans leurs pratiques. Donc tu vois par exemple que certains musulmans ils vont célébrer Noël, d'autres musulmans qui vont célébrer le jour de l'an. Et il y a d'autres fêtes qui existent dans d'autres peuples et dans d'autres religions également, que ce soit chez les hindous, ils ont des fêtes toute l'année, dans chaque mois de l'année il y a différentes fêtes. Selon les différentes régions, selon les différentes croyances. Et les hindous ont des milliers de divinités et des milliers d'idoles qu'ils adorent en dehors d'Allah. Chacune de ces idoles a sa fête. Donc ils fêtent tout le temps. Les bouddhistes, ils ont également leur fête. Le jour de l'an chinois, le jour de l'an vietnamien. Chacun de ces peuples, ils ont leur fête. Les juifs ont leur fête aussi. Le jour de l'an juif, ils ont d'autres célébrations et d'autres fêtes qu'ils font également. Donc toutes ces fêtes-là, on n'a pas le droit de les célébrer. Mais on dirait que pour certains musulmans, il y a une différence entre la pratique de certaines fêtes et de certains peuples en dehors des autres. Comme par exemple la fête des chrétiens qui fêtent Noël ou la fête du jour de l'an. Et ça, ils pensent que c'est comme différent des autres et qu'on peut les suivre, alors qu'en réalité, on va voir pourquoi c'est pas permis de le faire. On a posé la question justement à propos de ce sujet-là à des ulama, parmi les ulama de l'islam de notre époque, comme Cheikh Abdelaziz ibn Baz, rahimahullah. Il a répondu à ce sujet qu'il n'est pas permis aux musulmans, non pas seulement de célébrer la fête des juifs et des chrétiens, mais même pas, on n'a même pas le droit de les féliciter pour leur fête ou de leur souhaiter même des joyeuses fêtes. Il dit parce que cela entre dans le fait de collaborer ou d'interagir avec eux dans le péché et dans la transgression d'Allah. Puisque Allah subhanahu wa ta'ala nous interdit ce qui est kufr et ce qui est shirk, eh bien, le fait de les féliciter dans leur croyance ou de leur souhaiter des joyeuses fêtes, c'est comme si on était en train de collaborer avec eux, hein, comme si on était complice avec eux dans cette pratique-là. Et Allah subhanahu wa ta'ala, elle dit dans le Coran, وَتَعَوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est-à-dire, entraidez-vous dans la bonté et dans la piété et ne vous entraidez pas dans le péché, dans la transgression. Donc c'est comme si tu vois un mouchrek, un idolâtre, qui est en train de se prosterner à une statue. Et tu passes à côté de lui, puis tu lui dis félicitations, hein, bravo dans ton adoration pour cette idole. Si tu le félicites, hein, et tu le félicites et tu approuves de cette façon avec ta parole de ce qu'il fait, tu es complice avec lui. Et si tu le félicites pour cette fête qu'il célèbre, hein, et qui est basée sur justement cette croyance en laquelle cette croyance fausse qu'il a, par exemple, en l'adoration de Jésus ou la fête de Jésus, et qu'il croit que c'est Dieu ou que c'est le Fils de Dieu ou que c'est ni Dieu le Fils, comme ils disent. Tout ça, ça prouve que tu es en train de leur dire, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu crois, je suis d'accord avec qu'est-ce que tu dis, et je te félicite pour ça. Donc ça c'est grave, c'est très dangereux. Et beaucoup de musulmans, ils négligent ça. Et surtout en Afrique de l'Ouest, en Afrique de l'Est, dans certaines familles, il y a beaucoup de mélange. Certains parents, il y en a, j'ai constaté ça. Dans la même famille, parfois, le père, il est d'une religion, la mère, elle est d'une autre. Les enfants, il y en a un qui est chrétien, l'autre qui est musulman. Et puis, ils fêtent ensemble Noël, ils fêtent ensemble les différentes croyances, les différentes fêtes. Et ça, c'est très dangereux. Hein? Puisqu'on est supposé de les appeler à l'islam, on est supposé de les appeler au tawhid, on est supposé de les appeler à la foi. Comment tu vas aller les voir puis tu leur dis par la suite, félicitations pour votre religion, joyeuse fête, continuez comme ça, c'est bien. C'est comme si tu es en train de les encourager à continuer à faire leur shirk et leur kofr, au lieu de les inviter à délaisser ces choses-là pour les appeler à l'islam. D'accord? Donc ça, c'est parmi les exemples de ce que Cheikh Ibn Baz a mentionné. Et ça appelle également, comme il le dit, à les aimer et à aimer ce qu'ils font comme pratique et comme fête et comme célébration. Les enfants, s'ils grandissent avec ça, hein, il y a certains parents musulmans, ils font des arbres de Noël à la maison, hein, ils vont mettre des cadeaux, ils vont faire même des dindes, des trucs de ce genre. Tout ça, ça rentre dans l'imitation de ces gens-là et ça rentre dans leurs pratiques religieuses, dans leurs croyances, hein, les croyances de ces peuples-là. Des croyances qui sont basées et des pratiques qui sont basées sur le kufr et sur le shirk. Donc, d'élever tes enfants sur ça, ça amène tes enfants à aimer ces choses-là et ces pratiques-là. Et petit à petit, peut-être que à cause de ça, il va justement se sentir rapproché de ces gens-là et commencer à les aimer dans son cœur jusqu'à ce qu'il commence à aimer leur kufr et leur shirk et commence à justement tomber dans leurs égarements. Certains musulmans qui ont été, par exemple, éduqués dans des écoles chrétiennes, missionnaires, dans certains pays africains ou dans certains pays musulmans, et ils ont été éduqués par des prêtres, par des religieuses chrétiennes, catholiques ou autres, et tu vois que là, avec le temps, ils développent, hein, un amour pour eux. Ils commencent même à vouloir défendre leurs croyances et leurs pratiques. Parce qu'il les a côtoyés, parce qu'il a vécu avec eux, et parce que ces gens-là ont inculqué en lui ces pratiques et ces croyances-là. Alors, même s'il est né dans un pays musulman, dans une famille musulmane, mais dans son cœur, il a l'amour, le respect de ce qui est contraire à la vérité, et il approuve parfois même les pratiques des koufars et des mouchriquins. Donc ça, c'est quelque chose de grave. Exactement. Parce que Yani, ça amène quelqu'un par la suite à tomber dans la mécréance lui-même. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans un verset dans surat Al-Mujadala, verset 22, لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عن أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset, tu ne trouveras pas. Ça dit, ça n'existe pas. Hein? Parce que c'est une négation totale. La tajid, ça dit, tu ne trouveras pas un peuple qui croit en Allah et au jour dernier, qui aime ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Ça dit que ça, c'est impossible. Donc, si tu trouves des gens qui aiment ceux qui opposent Allah et son messager, sache que ces gens-là ne peuvent pas être des croyants. Même s'ils prétendent être des croyants, c'est une contradiction totale. Et donc, il dit dans ce verset, Allah subhanahu wa ta'ala, ce qui signifie, tu ne trouveras pas des gens qui croient en Allah et au jour dernier, qui aiment ceux qui s'opposent à Allah et à son messager. Même si c'était leur père, même si c'était leur fils, même si c'était leur frère, même si c'était leur famille. Hein? Donc ça indique une chose qui est très claire, c'est que le musulman, il ne peut pas approuver et aimer les kuffars et les mushrikin, même si c'était des gens les plus proches de leur famille. Alors que dire de gens qui sont éloignés, qui n'ont aucun lien de parenté avec toi, qui n'ont aucun lien de sang avec toi, hein, qui viennent d'un peuple étranger et qui ont des croyances et des pratiques opposées à la foi en Allah et en son messager et au jour dernier. Alors, c'est encore plus obligatoire dans ce cas-là de se désavouer d'eux que de se désavouer de ses proches parents qui sont mécréants. Donc ça, c'est un exemple à ce sujet qui est assez clair. D'accord? Et en ce qui concerne les différentes célébrations, il y a d'autres exemples également que les ulama ont mentionnés. Hein? Par exemple, lorsqu'on regarde le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans lequel il dit « Man tashabbaha biqawmin fahuwa minhum », c'est-à-dire « Quiconque imite un peuple, il est un des leurs ». Et il y a plein de versets et des hadiths qui confirment ce principe-là en islam. Et si tu les imites dans ce qui est kufr, alors dans ce cas-là, tu es un des leurs, dans leur kufr. Si c'est un kufr majeur ou un shirk majeur, alors tu deviens comme eux. Ou bien si c'est dans quelque chose qui est péché, ou dans quelque chose qui est bid'ah, alors tu tombes toi-même dans le péché, dans la bid'ah. Ou si c'est dans des choses qui sont détestables, hein, eh bien ça devient détestable dans qu'est-ce que tu les suis. Donc si par exemple, quelqu'un il va dire par exemple la fête des chrétiens, Jésus, hein, on sait tous que Jésus n'a jamais célébré sa naissance. N'a jamais célébré le jour de sa naissance, ni ses compagnons n'ont jamais célébré le jour de sa naissance, ni la naissance d'aucun autre prophète. Et les ulama ont expliqué que ça veut dire que ça fait partie des innovations, que ça fait partie des bid'ah. De la même manière que nous, les musulmans, on condamne les gens qui célèbrent la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, on dit que c'est une bid'ah. Et ceux qui ont commencé cette innovation-là, à la base, ils l'ont commencé parce que ils ont voulu suivre les chrétiens. Eh bien, les chrétiens eux-mêmes n'ont pas de référence pour justifier cette pratique. Parce que Jésus ne l'a jamais fait lui-même. Donc, ça rentre dans les bid'ah. Et si toi, tu pratiques cette chose-là sur ce point de vue-là, du fait qu'ils disent que c'est la naissance de Jésus, et que parce que c'est le jour de sa naissance, ce serait quelque chose qui serait bien à pratiquer, ça rentre dans la bid'ah. Et on sait très bien que la date de la naissance de Isa, c'est une date qui a été choisie de façon arbitraire, même si certains même mentionnent que à l'origine la date qui a été choisie pour établir comme date pour la célébration de cette fête, c'était par rapport justement à la célébration de la du dieu soleil par les idolâtres de l'Europe qui priaient, qui adoraient le soleil, parce que c'est une date qui vient un peu après le solstice, hein? Le solstice d'hiver, et ils croyaient à l'époque que c'était la victoire de la lumière sur les ténèbres, et donc le dieu soleil qui gagnait la bataille contre les ténèbres, et ainsi de suite. Et donc, les chrétiens, qu'est-ce qu'ils ont fait beaucoup, dans beaucoup de différents pays, dans différentes cultures? Ils ont essayé d'introduire ou de mélanger les pratiques païennes des différents peuples à des pratiques et de les rendre chrétiennes, donc de les rendre, de les christianiser si on veut. Et ça fait partie des exemples pour Noël, pour l'Halloween, pour la Pâque, avec le lapin de Pâques, et avec également toutes les autres célébrations qu'ils ont pendant l'année. Donc c'est pas seulement Noël qui est interdit ou le jour de l'an, mais toutes les fêtes, que ce soit la Saint-Valentin, la Pâque, la fête des mères, la fête des pères, la fête de toutes les autres célébrations qu'ils peuvent avoir. On n'a pas le droit d'y participer. Parce que celui qui les imite, eh bien, il est un des leurs dans ces choses-là. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il est arrivé à Médine, il a trouvé que les habitants de Médine, qui venaient d'accepter l'islam, avaient plusieurs jours de célébration qu'ils avaient avant l'islam, dans la Jahiliya. Et le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, leur a dit, vous avez deux jours dans lesquels Allah vous a remplacé ces jours-là dans lesquels vous vous amusez par deux jours qui sont dans l'islam. Et c'est le Eid al-Adha et Eid al-Fitr. C'est-à-dire le jour de la célébration de al-Adha après le Hajj, et Eid al-Fitr, c'est après le Ramadan. Ça, c'est nos fêtes à nous, les musulmans. Et puis, il a mentionné également que yani, le Jumu'ah également, c'est un Eid hebdomadaire. Donc ça, c'est les célébrations pour les musulmans. Et Allah subhanahu wa ta'ala a dit dans le Coran, وَلِكُلِّنْ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. C'est-à-dire, chacun d'entre vous, nous avons donné une législation et une voie à suivre. Et donc, on n'a pas le droit d'emprunter ou de participer aux pratiques des autres peuples qui ont d'autres croyances et d'autres pratiques. Et en ce qui concerne le verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala dit « وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورِ » C'est-à-dire ceux qui ne sont pas témoins ou qui ne témoignent pas de ce qui est mensonger, ce qui est faux. Mujahid, l'élève d'Abdullah ibn Abbas, un des grands parmi les savants de tafsir, il a expliqué que ça comprenait également les célébrations et les fêtes des mushrikines. D'accord? Donc tout ça, ça rentre. Et les salafs, les sahaba, les tabi'in, ils ont également averti contre les pratiques et les célébrations des koufars et des mushrikines, même que lorsque les musulmans sont rentrés dans les différents pays des différents peuples, que ce soit en Perse, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient dans le Nord, ou que ce soit en Afrique, quand ils sont arrivés dans ces peuples-là, et s'ils ont trouvé des chrétiens ou des juifs, ils ont interdit aux juifs et aux chrétiens de ces différents pays d'imiter les musulmans et de s'habiller comme les musulmans. Ils devaient se distinguer des musulmans. Aujourd'hui, on est obligé de dire aux musulmans de se distinguer des juifs et des chrétiens. Alors qu'à l'époque, les juifs et les chrétiens, c'est eux qui étaient interdits de nous imiter. D'accord? Et Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il interdisait même aux musulmans d'imiter les koufars dans leur façon de parler, dans leur langage, et de ne pas rentrer avec eux dans leurs églises lors de leurs célébrations. Il dit parce que la colère d'Allah descend sur eux à ce moment-là. Et il disait, Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, « Ijtanibu a'da Allah fi a'yadihim. » Écartez-vous des ennemis d'Allah lors de leur célébration, parce que la colère d'Allah tombe sur eux. Et sans oublier que les kuffars et les mushrikins, dans leur célébration, il n'y a que des péchés de la désobéissance d'Allah, contrairement aux musulmans. Parce que c'est dans ces jours-là qu'ils boivent le plus d'alcool, c'est dans ces moments-là qu'ils se mélangent entre eux, hommes et femmes, et qu'ils dansent, et qu'ils font de la musique, et qu'ils se permettent toutes sortes d'autres péchés. Donc, si toi tu t'en vas là, dans ces fêtes de même des fois les fêtes de travail, ou les fêtes à l'école, ou les fêtes dans d'autres circonstances, pour des fêtes qui sont reliées à ces célébrations-là, eh bien, tu participes à ça, alors tu es complice avec eux dans ce cas-là. Donc ça, c'est très dangereux et c'est très grave. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit dans le Coran, « وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَ حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ » Les Juifs et les chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu vas suivre leur religion. Et donc c'est ça, c'est ce qu'ils essaient de faire et c'est ce qu'ils continuent tout le temps à faire. Et ils essaient toujours de mettre les musulmans dans un coin, hein, dans le sens de les prendre de les piéger dans un coin pour les forcer à les imiter et à les suivre. Et on voit beaucoup de rencontres qui sont faites, soi-disant, ils appellent ça les rencontres interreligieuses, dans lesquelles ils prétendent vouloir appeler au dialogue et à vouloir faire en sorte que les différentes religions se comprennent et qu'ils commencent à, mettre de côté leurs divergences et leurs divisions, puis s'unir. Mais s'unir sur quoi? S'unir sur la mécréance, s'unir sur le shirk et le kufr. Donc le musulman, il ne peut pas approuver de ça. Et ces rencontres interreligieuses, si c'est dans le but justement d'être complaisant, puis de faire des compromis dans nos croyances et dans nos principes, alors dans ce cas-là, on n'a pas le droit d'y participer. Hein? Et l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, il mentionne au fait justement de, comme je disais tout à l'heure, lorsqu'on félicite ces gens-là ou on leur souhaite des joyeuses fêtes, il dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah, « Wa amma tahniyatuhum bi sha'air al-kufri al-mukhtassa bihim fa haramun bil ittifaq. » Il dit, en ce qui concerne de leur donner des souhaits ou des félicitations pour leur pratique de kufr et leur célébration, qui sont spécifiques à eux, alors ça c'est haram selon l'accord de tous les savants de l'islam. Il dit, فَهَذَا إِنْ سَلِمَ قَائِلُهُ مِنَ الْكُفْرِ فَهُوَ مِنَ الْمُحَرَّمَاتِ. Il dit, si la personne qui fait ça, elle est épargnée de la mécréance, hein, alors c'est clair que c'est dans les choses haram, interdites. Il dit, وَهُوَ بِمَنْزِلَةِ أَنْ يُهَنِّئَهُ بِسُجُودِهِ لِلصَّلِيبِ. Il dit, c'est dans le même degré de leur souhaiter bonne fête ou joyeuse fête, c'est du même degré que de les féliciter lorsqu'ils se prosternent devant la croix. Hein? Il dit, وَكَثِيرٌ مِمَّنْ لَا قَدْرَ لِلدِّينِ عِنْدَهُ يَقَعُ فِي ذَلِكَ وَلَا يَدْرِ قُبْحَ مَا فَعَلْ. Il dit, beaucoup de gens qui ne donnent pas de valeur à la religion, ils tombent dans ce genre de choses et ils ne réalisent pas à quel point cette chose-là est laide et grave. Il dit, فَمَنْ هَنَأَ عَبْدًا بِمَعْصِيَةٍ أَوْ بِدْعَةٍ أَوْ كُفْرٍ فَقَدْ تَعَرَّضَ لِمَقْتِ اللَّهِ وَسَخَطِهِ. C'est-à-dire, quiconque félicite une créature d'Allah pour un péché qu'il a fait, ou pour une bid'a, ou pour un kufr, une mécréance, alors il est sous la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala et sous son courroux. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. C'est-à-dire, quiconque cherche une religion autre que l'islam, elle ne sera pas acceptée de lui. Et dans l'au-delà, il sera du nombre des perdants. Donc, ça nous donne un petit peu de compréhension maintenant sur la gravité de participer dans leurs célébrations et dans leurs fêtes, d'échanger des cadeaux, d'échanger des vœux, de félicitations, que ce soit Noël, le jour de l'an ou n'importe quelle autre de leurs célébrations. Il dit, les ulama, les sahaba, ils sont tous d'accord sur le fait qu'il est obligatoire de s'écarter des koufars dans leurs célébrations et de ne pas participer avec eux parce qu'il y a dans ça une ressemblance avec eux, dans leurs rituels, dans leurs pratiques. Et ça, ils les ont ramenés dans les pays musulmans et même que dans certains pays musulmans, tu vois. Et je lisais un article dernièrement qui mentionnait un des pays africains où, soi-disant, les musulmans pratiquent Noël. Hein, ils fêtent Noël. Et ils ont même un homme qui se déguise en Père Noël et qui va aller même donner des cadeaux aux enfants ce jour-là. Ça, c'est des choses qu'on voit dans certains pays musulmans. Et ça, c'est extrêmement grave. Hein? Ibn al-Qayyim, il dit également à ce sujet-là, « Anna man hanna'a bi'idihim kana kaman hanna'ahum bis-sujoudi lis-sulbanihim. Wa anna dhalika a'zamu min tahniyati ashab al-kaba'ir bikaba'irihim. Fahuwa a'zamu min tahniyati sharib al-khamr bishurbiha. وأعظم من تهنئة القاتل بالقتل وأعظم من تهنئة الزاني بالزنا. Il dit, Ibn al-Qayyim, que de féliciter les kuffars, les mouchriquins, sur leurs célébrations et leurs fêtes, c'est comme celui qui a félicité quelqu'un de se prosterner devant une statue. Et c'est plus grave, hein, parce que c'est du shirk. Donc c'est plus grave que celui qui a félicité quelqu'un qui a fait des grands péchés parmi les grands péchés. C'est plus grave que de féliciter quelqu'un qui a bu de l'alcool, hein, pour l'alcool qu'il a bu, ou de féliciter un tueur parce qu'il a tué, ou de féliciter un adultérin ou quelqu'un qui a fait l'adultère pour l'adultère qu'il a commis ou la fornication qu'il a commis. D'accord? C'est plus grave que ça, parce que les grands péchés font partie des kaba'ir. C'est des choses, si quelqu'un meurt, il est sous la volonté d'Allah. Tandis que s'il meurt sur le shirk, hein? Eh bien, il n'a pas d'espoir en la miséricorde d'Allah, puisqu'il est dans l'enfer pour l'éternité s'il meurt sur le shirk. Et toi, tu les félicites dans leurs croyances et dans leurs pratiques religieuses, donc ça rentre dans le shirk. Et il explique justement que la relation entre ça et ce qu'on vient d'expliquer, c'est-à-dire le fait de les féliciter dans leurs croyances, et pourquoi c'est plus grave que de les féliciter pour un péché. Parce que le Eid fait partie de leur rituel ou de leur pratique religieuse et de leur croyance. Et on sait que les chrétiens, ils ont l'idée ou la croyance que Jésus c'est Dieu ou fils de Dieu. Hein, ils croient en la Trinité et toutes ces autres formes d'idolâtrie. Hein, et ils prient à Jésus et à Marie et à toutes sortes de saints. Hein? Donc toi, tu les félicites pour ces pratiques-là. C'est comme si tu les félicites pour leur mécréance. Hein, bravo, félicitations pour la mécréance. A'oudou billah. Ça, c'est grave. Et donc, le fait de participer avec eux, c'est un très grand danger pour notre croyance et pour notre pratique. Et même de vivre parmi eux et d'être là parmi eux lorsqu'ils célèbrent leur fête, lorsqu'ils on rentre dans un magasin, on entend leurs chansons et leur musique. Hein, des temps des fêtes. À chaque année, c'est toujours la même. Les mêmes chansons. Et surtout que ces musiques-là et ces chansons-là, subhanallah, ils commencent à les mettre même depuis le mois de novembre, des fois. Hein? Depuis les mois de novembre, même peut-être avant même le mois de novembre, ils commencent à les mettre dans les magasins pour encourager les gens à acheter. Hein? Parce que c'est devenu des fêtes économiques. Hein? Là, ils ont souffert là avec le COVID parce qu'ils ne peuvent pas célébrer comme ils veulent. Mais sinon, on sait, mais c'est devenu comme ça, c'est partagé dans le monde maintenant. C'est devenu une pratique internationale. Une fois, je regardais un reportage au Japon, et même les Japonais qui ne sont pas chrétiens, ils célèbrent Noël. Hein? Alors qu'ils ne sont pas chrétiens, ils ne croient même pas au christianisme. C'est des bouddhistes ou d'autres croyances comme ça, de shirk et d'idolâtrie, mais ils pratiquent ces pratiques-là. Hein? Allah Musta'an. Donc il y a un grave danger là, dans ça. Et donc tout ça, c'est, je pense, des arguments qui ont été mentionnés par les ulama de l'islam pour clarifier pour quelles raisons on n'a pas le droit de célébrer les coutumes de ces gens-là. De la même manière qu'eux, ils ne vont pas célébrer nos fêtes, pourquoi alors on devrait célébrer leurs fêtes? Et même s'ils venaient célébrer avec nous nos fêtes, eh bien ça ne donne pas la permission aux musulmans de célébrer leurs fêtes. Il faut leur expliquer qu'il y a une ligne, il y a une limite que nous, les musulmans, on n'a pas le droit de transgresser et de traverser. Et ça s'arrête là. Et c'est tout. Alors, il faut savoir être clair et être ferme. Et je sais que dans certaines coutumes ou dans certaines traditions, c'est mal vu de dire ouvertement ce qu'on pense des autres par rapport à leurs croyances ou leurs pratiques. Parce que certaines personnes, ils sont gênés de faire ça. Ou bien dans certains peuples, ils sont complaisants dans ces questions-là. Ils ne vont jamais exprimer un désaccord à une autre personne. Et ça, c'est en réalité quelque chose qui est mauvais. Parce qu'il ne faut pas être gêné de contredire le faux et de défendre la vérité. Il ne faut pas être gêné. Mais il y a une façon de le faire, bien entendu. On n'est pas obligé de le faire d'une manière agressive ou d'une manière méchante. On peut le faire d'une manière respectueuse respectueuse et douce en même temps. Tu dis à la personne, moi je suis musulman et dans ma religion, on ne célèbre pas les pratiques ou les croyances des autres religions. Et c'est comme ça pour nous. Donc, Noël, ça n'existe pas chez nous. Et dans l'islam, ça n'existe pas. Et je me rappelle, quand j'étais étudiant en Arabie Saoudite, lorsque j'étais à l'université, à Médine, alhamdoulilah, je me rappelle, lorsqu'on arrivait dans les périodes du mois de décembre et le mois de janvier, il n'y avait aucune espèce de sentiment de quoi que ce soit relié à ces choses-là. C'est-à-dire qu'on passait le mois de décembre et le mois de janvier comme si c'était des mois ordinaires de l'année. Et il n'y avait rien du tout qui distinguait pour nous quoi que ce soit de ces fêtes-là. Donc, c'était vraiment merveilleux dans ce sens-là. Parce qu'on n'avait pas cette atmosphère de kufr et de shirk qui nous dérange ici. Donc ça, c'est un exemple à suivre pour tous les pays musulmans dans le monde. Parce que l'islam, certains ils pensent que ah, ça c'est normal, l'Arabie Saoudite, c'est normal qu'ils doivent respecter l'islam parce que c'est la Mecque et Médine. Mais le reste des pays musulmans dans le monde entier, ils peuvent faire ce qu'ils veulent. Or ça, c'est totalement faux. La religion musulmane et les pays musulmans doivent appliquer la religion musulmane et les règles de la religion musulmane ainsi que la charia. Dans tous les pays musulmans, il doit y avoir ça. Et qu'est-ce qui est interdit en Arabie Saoudite? C'est interdit ailleurs dans le monde musulman aussi. Donc souvent, tu vas voir des pays comme ça les pays musulmans, les pays arabes ou non arabes qui critiquent l'Arabie Saoudite parce que parfois ils font certains péchés. Alors que ces péchés-là, ils sont présents dans les autres pays ou dans leur pays. Comme si eux, ils étaient excusés de pouvoir faire ces péchés-là. Donc ça, c'est inconcevable, inacceptable. Et donc, il faut qu'on revienne à nos principes. Je vais m'arrêter ici parce que je ne veux pas parler trop longtemps non plus. Mais, alhamdoulilah, je pense que ce que j'ai mentionné, c'est suffisant pour nous. Et si on s'accroche à ça, Inch'Allah, on sera bien. Donc, barakallahu fikum, jazakumullahu khairan. والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين. Parfois, il y a des jours d'Halloween, on nous demande genre de se déguiser pour les enfants et tout ça. Mais dépendamment de la journée de travail, si je travaille toute la journée comme ça, c'est comme je suis poignée de le faire. Voilà, il y a ça. Ou soit j'essaie quand même, genre, mon intention, c'est pas de la fêter avec juste. Trouver quelque chose, la tête de lapin ou quoi, pour le mettre pour un bon bout de temps pour l'amener. Ça, c'est ma première question. C'est quoi ton avis sur cela? Mais quand je peux aussi, parfois je m'absente. Voilà. Mais même l'Aïd, parfois on essaie de s'absenter. On est plusieurs collègues musulmans dans le lieu de travail. Si tout le monde veut le faire, là, c'est pas évident. Ils ont compris à peu près, puis le syndicat ne le permet pas non plus. Bon, il y a plusieurs avis sur cela. Et la deuxième est que moi, cette année, j'ai été sélectionnée parmi les collègues. Ils ont sélectionné certaines familles que l'école a décidé de donner des paniers de Noël. Et dans ces familles-là, moi, j'avais trois familles à qui faire la livraison. Et puis, on allait faire les achats. Moi, dans mes familles, il y avait une famille qui avait des condiments halal, donc une famille musulmane. Donc, dans ces cas-là, l'école te choisit pour te offrir un panier de Noël. C'est quoi l'avis de l'imam là-dessus? Est-ce qu'il faut l'accepter ou qu'est-ce qu'il faut faire? Bon, c'est ça, on ne l'accepte pas, voilà. On nous le donne. On donne le panier, qu'est-ce qu'il faut faire avec? Voilà. Non. Ok, en ce qui concerne la première partie, la sœur qui mentionne qu'elle est institutrice ici dans une école, ça c'est quelque chose qui est effectivement très difficile parce que la façon dont les programmes d'éducation ici sont faits, c'est que justement les thèmes qui sont abordés souvent dans les écoles, les thèmes sont basés sur les différentes saisons et les différentes célébrations qu'on retrouve dans les différentes périodes de l'année. Et je me rappelle moi-même quand j'étais à l'université, parce que j'ai fait des études en éducation, et maintenant je pense que il y a de plus en plus d'ouverture parmi les gens dans la société, parce que ils réalisent que il y a de plus en plus de différentes personnes, de différentes croyances, différentes religions, différentes ethnies qui vivent ici. Donc, ils essaient d'une certaine manière d'accommoder, dans le sens que ils vont essayer d'être plus compréhensifs sur le fait que justement, il faut respecter les différences dans les croyances des individus et des personnes. Donc, si par exemple quelqu'un est musulman, ils vont pas lui obliger d'enseigner des choses qui font partie des religions des autres. Et si quelqu'un il est, hein, et ainsi de suite. Mais à la kulli hal, qu'est-ce que moi je conseille par rapport à cette situation-là, c'est d'éviter complètement d'être dans une situation où on aura à soit célébrer soi-même ou appeler d'autres à le faire, si c'est des croyances, des pratiques religieuses des koufars, puisque on a expliqué dans la conférence justement le danger de ça, la gravité de ces choses-là. Surtout si tu l'enseignes à des enfants, parce que les enfants, eux, ils grandissent là-dessus par la suite. Et ça, c'est extrêmement grave et c'est très dangereux. Même si c'est pas des enfants musulmans, on n'a pas le droit de les encourager là-dedans. Donc, si tu vas être dans des écoles où tu vas être obligé d'enseigner ça, dans ce cas-là, tu vas être dans une situation grave. Il faut donc éviter ça. Il faut essayer de soit que tu trouves par exemple une école musulmane où tu vas enseigner et où on va pas t'imposer d'enseigner quoi que ce soit de ce qui contredit les pratiques et les croyances musulmanes, ou bien justement d'essayer, comme tu dis par exemple, que le syndicat il permet pas qu'on s'absente ou des choses de ce genre. Donc, tu peux même pas aller faire la prière de Eid quand c'est la fête de Eid. Tout ça découle, tout ça sont des conséquences du fait justement de vivre dans les sociétés qui sont pas musulmanes et de vouloir justement travailler dans des écoles qui sont pas musulmanes. Tu te mets toi-même dans une situation où tu vas être obligé de commettre des péchés, ou même parfois de tomber dans quelque chose qui est kofr. Et le musulman n'a pas le droit de se mettre dans cette situation-là. Parce que le musulman, il veut à tout prix et avant tout protéger sa croyance, protéger sa foi. Éviter de se mettre dans un contexte dans lequel il va être poussé au bord au bord du gouffre, où il va dire, mais j'ai pas le choix. Hein, de sauter. J'ai pas le choix de sauter dans le feu. J'ai pas le choix de sauter dans le feu parce que je suis au bord du gouffre. Mais pourquoi tu allais te mettre dans le bord du gouffre alors que tu avais le choix de t'en éloigner? Donc ça, c'est un rappel pour nous tous. Et moi en premier, donc de s'écarter de ce genre de situation-là. Et donc, il y a beaucoup de musulmans, je vois de plus en plus, même au Québec ou au Canada, beaucoup d'Africains musulmans qui viennent s'installer, alors que dans le passé, moi, quand j'étais plus jeune, c'était beaucoup parmi les gens qu'on voyait venir s'installer ici, ce n'était pas des musulmans. Maintenant, il y a de plus en plus de musulmans qui viennent s'installer ici, et avec l'intention ou l'idée de vouloir s'intégrer ici et vivre ici. Ils achètent des maisons, ils s'installent. Il y en a qui viennent à la base, c'était pas pour ça. Ils venaient juste pour faire des études. Mais après, ils sont restés, ils s'installent, ils vivent ici. Et puis, après, quand ils rentrent dans la société, ils sont obligés de faire face à ce genre de situation-là. C'est pour ça que les savants de l'islam, ils rappellent toujours aux musulmans l'obligation de ne pas de vivre dans les pays musulmans et de l'interdiction de s'installer dans des sociétés qui vont justement nous mettre au bord du gouffre où on va être obligé de faire toujours des compromis. Et c'est toujours des compromis dans le sens de yani, qu'est-ce qui est interdit, de qu'est-ce qui est péché. D'accord? À moins que, donc surtout au primaire, surtout au primaire qu'on voit des situations comme ça, où on est obligé où on doit enseigner ce genre de choses. Au cégep, c'est moins pire, et également à l'université, il n'y aura pas en général d'obligation d'enseigner ce genre de choses-là. Mais quand tu rentres dans les écoles primaires, c'est là que il y a toutes ces difficultés-là. Hein? Donc, il faut éviter ça. Il faut éviter ça. Et c'est très très sérieux, ces choses-là, c'est très grave. En ce qui concerne les paniers de Noël, bon, de façon générale, il faut éviter il faut s'écarter de tout ce qui a rapport avec leur célébration et leur fête. Si un chrétien ou un juif il te donne un cadeau, hein, il y a certains ulama qui ont dit tu peux accepter des cadeaux si c'est par exemple de la nourriture, mais pas de la viande. Si c'est par exemple Si c'est par exemple des gâteaux ou bien des choses qui sont halal, d'accord, c'est permis. Mais si c'est de la viande qui a été préparée exprès pour la fête, ça, c'est pas permis de le manger. Là-bas, ils ont mentionné ça. En tout cas, donc c'est ça de façon générale. De pas, la main qui donne est plus haute que la main qui reçoit. Donc, essayez d'éviter de prendre quoi que ce soit ces gens-là. Yani. Ça, c'est mon conseil. Est-ce qu'il y avait une autre question pour l'imam? Il reste encore 7 minutes avant de prendre la réunion d'aujourd'hui. Il y avait une autre question. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Wa alaikum salam. Je suis Frère Ibrahim, j'ai une autre question à poser à l'imam. Oui. Et même au temps du prophète, salut sur lui, il y avait la tolérance. Et comment on peut gérer la tolérance dans ces cas? Parce que le prophète, paix et salut sur lui, a eu aussi à vivre avec des non-musulmans. Et nous aussi, comment on est dans des cas pareils, comment on doit se tenir et quelle, la tolérance joue quel rôle par rapport à ça? Et notre foi, parce qu'on peut collaborer avec quelqu'un, mais ça ne veut pas dire qu'on a foi à sa religion. Oui. Par rapport à ça. Non, en ce qui concerne la tolérance dont tu parles, en général, c'est pas. C'est en général c'est pas le faible qui tolère le fort, en général c'est le fort qui tolère le faible. Et donc les musulmans à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand ils étaient à la Mecque, ils étaient dans une situation de faiblesse. Alors ils étaient persécutés et ils subissaient toutes sortes de mauvais traitements et d'insultes, même certains ont été tués. Et c'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait la hijra par la suite, il est allé à la Mecque, à Médine, il est allé à Médine, et à ce moment-là, il était en situation de force, et les croyants étaient en situation de force, et c'est à ce moment-là qu'il a fait des ententes de paix avec des juifs, hein, et il les a tolérés. Hein, il a toléré les juifs, il a toléré les chrétiens, et dans l'histoire des pays musulmans, on voit que les musulmans ont toujours toléré les juifs et ont toujours toléré les chrétiens. D'accord? Donc, sur ce plan-là, c'est vrai, il y a une tolérance dans l'islam. Mais, en même temps, cette tolérance-là, elle est pas absolue. Dans le sens qu'il faut comprendre que nos principes, on fait pas de compromis dedans. On fait pas de compromis sur nos principes et nos fondements. Et donc, ça va s'arrêter à ça. D'accord? S'ils veulent célébrer dans les pays musulmans, s'il y a des chrétiens dans un pays musulman ou des juifs dans un pays musulman, les musulmans les ont laissés célébrer leur fête. Les ont laissés célébrer leur fête entre eux, sans qu'ils, justement, exposent ou fassent beaucoup de manifestations de leur célébration à l'extérieur. Donc, ils les laissaient célébrer chez eux, dans leur maison, leurs fêtes et leurs célébrations. Ça, c'est la limite de la tolérance pour les musulmans envers les mouchriquins et les kuffars. Mais pour nous, dans une situation comme ici, on est d'une minorité, on est dans une situation de faiblesse. C'est pas nous qui avons à faire preuve de tolérance, c'est plutôt ceux qui sont en majorité qui devraient faire tolérance à la minorité. D'accord? Je pense que si j'ai bien compris ta question, là, c'est ça. Inch'Allah. Barakallah. On fait que barak. Est-ce qu'il y a une dernière question? Sinon, on va dire à l'imam de vous faire le don. On va laisser 30 secondes. S'il y a une question, ou clore. Sinon, on va dire à l'imam de vous faire le don. Donc, alhamdoulilah, on voudrait encore au nom de la communauté, la structure saisie, transmettre tous nos remerciements à l'imam pour son temps et puis pour les conseils. Et prier Allah de nous aider à profiter de ces moments et mettre en application ce que nous avons pu apprendre aujourd'hui, Inch'Allah. Alhamdulillah. On va demander à notre imam justement de nous faire les dons. D'ailleurs, ok. Ok, donc, alhamdoulilah, je vous remercie d'avoir fait cette rencontre et de nous avoir permis justement de profiter ensemble de ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous dit dans le Coran ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna et ce que les ulama de l'islam ont pu clarifier de ces sujets qui sont extrêmement importants pour nous. Et on espère que Allah subhanahu wa ta'ala va nous accepter de nous, hein, cet effort qu'on a fait et qu'il va rendre cette effort pour nous, va rendre cet effort sincère et que ce soit fait uniquement pour lui, son visage. Et en même temps, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous bénir et de nous protéger contre tout ce qui peut être une cause d'égarement pour nous. Et contre tout ce qui pourrait être une cause de châtiment pour nous dans ce bas monde et dans l'au-delà. Donc, يعني سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.